Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, à nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, faisons monter, monter, parfum de louange. Tu as connu des blessures intérieures parce que les gens t'ont déçu. Écoute-moi bien, le Seigneur a permis ces déceptions pour te manifester son amour. L'amour de Dieu est plus fort que la déception des hommes, que la haine des hommes. Oui, le Seigneur veut accomplir de grandes choses. Oui, espère en lui. Tu t'es confié aux hommes, mais ces hommes t'ont déçu. Mais le Seigneur ne te décevra jamais. Réveille-toi, nous allons prier. Réveille ton voisin, réveille ta femme, réveille ton mari. Nous sommes à OSB, opération sous la brèche. Romains chapitre 15, 1 à 13. Le matin, je me lève. Je prie avec OSB. Chaque matin, moi, je prie. Je prie avec OSB. Lisons Romains 15, 1 à 13. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas nous complaire à nous-mêmes. Que chacun de nous complaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. Car Christ ne s'est point complu en lui-même, mais selon qu'il est écrit, les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. Or, tout ce qui a été écrit d'avance, l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres, selon Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d'une même bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres, comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. J'ai dit, en effet, que Christ a été serviteur des circoncis pour prouver la véracité de Dieu en confirmant les promesses faites au Père, tandis que les païens glorifient Dieu à cause de sa miséricorde. Selon qu'il est écrit, c'est pourquoi je te louerai parmi les nations et je chanterai à la gloire de ton nom. Il est dit encore, « Nations, réjouissez-vous avec son peuple, et encore louez le Seigneur, vous toutes les nations, célébrez-les, vous tous les peuples. » Ésaïe dit aussi, « Il sortira d'Ésaïe un rejeton qui s'élèvera pour régner sur les nations. Les nations espéreront en lui. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. » Amen. Nous allons partager trois vérités ci-après. La première vérité, les forts doivent supporter les faibles. Oui, dans la vie chrétienne, nous devons reconnaître, nous ne grandissons pas de la même manière. Il y a des gens qui sont forts dans la foi, qui sont avancés, qui ont atteint la maturité spirituelle. Mais il y a d'autres qui sont encore des bébés spirituels, des gens qui ne grandissent pas, des gens qui ne peuvent même pas prier une heure du temps, ils ne peuvent même pas prier 30 minutes. Il y a des gens qui sont faibles, des gens qui s'adonnent encore aux pratiques coutumières. Il y a des gens comme ça. Ils ne se séparent pas encore des gens du monde, des amis du monde. Ici, l'apôtre Paul dit, nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et de ne pas nous complaire en nous-mêmes. Attention, ici, supporter les faiblesses ne veut pas dire que nous tolérons quelqu'un qui vit dans l'ivrognerie, quelqu'un qui vit dans l'occultisme, que je tolère. Mais ici, je peux supporter. Il y a des faiblesses pour lesquelles les gens ont la difficulté de s'en débarrasser. Alors, nous devons les accepter, les supporter et prier pour que l'Éternel puisse les transformer. Je vais demander à une femme, regarde bien, ton mari vraiment a la volonté même de changer. Mais il est tellement dans un milieu païen qu'il ne sait pas se débarrasser. Il ne sait pas se débarrasser de la cigarette. Il ne sait pas se débarrasser de l'alcool. Mais c'est ton mari. Vous êtes marié légalement. Il faut vraiment prier pour que Dieu te donne l'amour, pour arriver à le supporter et croire que le Seigneur va le transformer. C'est vrai, ma sœur. Ton mari t'a fait voir de toutes les couleurs. Le divorce n'est pas la solution. prie l'Éternel pour qu'il se révèle à lui. Ton mari est capable de servir le Seigneur. Dieu est capable de délivrer cet homme au nom de Jésus-Christ. Deuxième vérité, nous devons suivre l'exemple de Jésus. Le modèle de la vie chrétienne, c'est Jésus-Christ. Ici, l'apôtre Paul dit, au verset 3, car Christ ne s'est point complu en lui-même, mais selon qu'il est écrit, les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. Si Jésus est mort sur la croix de Golgotha, lui n'a pas commis de péché. Il est mort pour nous les pécheurs. Donc c'est pour notre intérêt. Donc si dans notre vie chrétienne, nous ne recherchons que notre propre intérêt, et nous ne voyons pas aussi l'intérêt des autres, nous ne supportons pas les autres, c'est que nous ne suivons pas les modèles de Christ. Est-ce que tu comprends mon frère? Regardez, même parmi les disciples de Jésus, ils n'étaient pas des hommes parfaits. Quelqu'un comme Pierre, c'est un impulsif. Jésus lui a dit, il a averti qu'il allait le régner trois fois. Mais Pierre a dit, non, moi je ne vais pas te régner. Mais Jésus a compris que ça faisait partie d'une faiblesse. Lorsque Pierre est tombé, Christ lui a pardonné. Et Christ l'a réhabilité encore. C'est Pierre qui a prêché les jours de la Pentecôte. Est-ce que tu comprends? Il y avait des gens qui étaient intolérants, comme Jacques, qui a demandé, qui a dit qu'on puisse prier pour que le feu puisse descendre. Pour consumer les autres. Vous voyez, parmi les disciples de Jésus, il y avait toutes sortes de réactions. Il y a des gens qui voulaient être les premiers. Mais Jésus était avec eux. Il a su les supporter. Dans leur faiblesse, il voyait le potentiel qui était en eux. Je vais parler à quelqu'un. Écoute-moi bien, homme de Dieu. Les collaborateurs que tu cherches, les enfants spirituels, n'ont pas eux-mêmes le même niveau. Il y a ceux qui sont encore faibles. Si tu veux vraiment travailler avec les hommes parfaits qui n'ont pas d'erreur, tu n'auras personne, mon ami. Tu dois apprendre à supporter, à les coacher, à les aider, à relever leurs faiblesses. C'est ce que Jésus-Christ a fait. Vous voyez? Et ici, l'apôtre Paul dit, mais Jésus-Christ nous a accueillis, nous. Regardez. Nous étions des païens. Parmi nous, il y avait des idolâtres. Il y avait des gens qui adoraient le bois, les eaux. Il y avait des gens qui ont avorté. Si vraiment Jésus nous tenait rigueur, personne ne serait même pas converti. Mais Jésus nous a accueillis. Il nous a lavés. Il nous a pardonnés. Pourquoi nous sommes durs avec les autres? Pourquoi, mon frère, toi, tu es dur avec les autres? Alors que toi-même, tu sais d'où Jésus t'a tiré. Regardez ici. Il est dit, au verset 7, accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Et il dit au verset 8, j'ai dit en effet que Christ a été serviteur des circoncis. Les circoncis, ce sont des juifs, des chrétiens d'origine juive, pour prouver la véracité de Dieu en confirmant les promesses faites au Père. Et au verset 9 dit, tandis que les païens glorifient Dieu à cause de sa miséricorde. Vous voyez? Donc Jésus a accueilli, que ce soit des juifs, hein, qui se sont convertis à lui. Il les a accueillis. Que ce soit les païens, ceux qui adoraient des idoles, il les a accueillis. Nous devons aussi suivre son exemple. Troisième vérité, nous devons prier pour que Dieu nous remplisse de la joie, de la paix, de la foi, pour que nous abondions en espérance. Ça, c'était le sujet de prière de Paul. Il dit au verset 13, il dit, « Que le Dieu de l'espérance vous remplit de toute joie et de toute paix dans la foi. » Vous voyez, aujourd'hui, c'est rare que les gens fassent de telles prières. Aujourd'hui, les gens prient seulement pour que Dieu remplisse les comptes bancaires. Ce n'est pas mauvais, mais nous devons aussi nous préoccuper des richesses spirituelles. Aujourd'hui, les gens prient seulement pour les mariages, ils prient seulement pour les voyages, ils prient pour les visas, ils prient pour avoir l'argent, mais ils oublient la vie intérieure. Paul dit que Dieu vous remplit de l'espérance, de toute joie, de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Vous voyez, l'espérance que nous avons, c'est une espérance vivante où nous savons que Christ revient. Et quand il reviendra, nous serons transformés. Nous irons dans les airs à sa rencontre. Et la Bible déclare que celui qui a cette espérance se purifie comme lui-même est pur. Nous avons cette espérance que nous ressusciterons. Et que nous devons être remplis de cette espérance. Quand nous sommes remplis de cette espérance, même les difficultés du temps présent, nous allons les minimiser. Parce que nous savons qu'il y a la gloire qui nous attend. Il y a une gloire à venir. Alors,

que la prêche, la force pour la prière. La force pour la prière. Opération sur la prêche, la force pour la prière. Oh, Esprit. Opération sur la prêche, la force pour la prière. La force pour la prière. Opération sur la prêche, la force pour la prière. Toi, le Dieu qui nous a rachetés au prix du sang du Christ ressuscité. Merci, ô Seigneur, de ce que tu nous as ressuscités ensemble avec Christ et tu nous as fait asseoir avec lui dans les lieux célestes. Et merci, Seigneur, de ce que c'est toi qui mets en nous les désirs des choses célestes. Oui, Seigneur, tu veux que nous puissions nous affectionner aux choses d'en haut. Et c'est toi qui déposes en nous ces désirs. C'est pourquoi nous voulons te bénir en ce moment. Nous te rendons toute la gloire, Seigneur. Toi, notre libérateur, oh, sois béni pour les désirs de ta parole que tu déposes encore dans la vie de ceux qui t'appartiennent. Oui, Seigneur, tu nous dis dans ta parole que la parole habite en nous abondamment. Oui, Seigneur, sois béni pour cette parole qui nous libère, pour cette parole qui nous donne la paix, pour cette parole qui nous donne la joie, pour cette parole qui nous donne la foi et l'espérance. Oh, sois béni, Seigneur, toi, le Dieu de notre délivrance. Oh, sois béni, toi qui nous dis que si la parole habite en nous abondamment, nous pouvons demander tout ce dont nous avons besoin et cela nous sera accordé. Oh, sois béni, Seigneur, toi qui exauce la prière. C'est pourquoi nous venons à toi en ce moment. Oh, gloire à toi, toi le Dieu incomparable, le Dieu redoutable, le Dieu qui ne change pas, le seul vrai Dieu, toi qui nous aimes d'un amour infini, reçois en ce moment l'honneur et la magnificence, toi qui vis et règne éternellement, au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous rappelons que notre passage du jour, c'est Romains 15, 1 à 13. Notre émission s'appelle OSB, acronyme qui veut dire Opération sur la brèche. Nous nous inspirons des Saintes Écritures pour adresser nos prières à Dieu. Et vous pouvez réécouter cette émission sur notre site web www.radiofréquenceviaenminuscule.com. Je reprends www.radiofréquenceviaenminuscule.com. Nous venons de voir dans ce passage que nous devons apprendre à supporter les faibles, nous qui sommes forts. Oui, il y a des chrétiens qui sont faibles. Oh, nous allons prier pour des femmes qui ont la difficulté de supporter leur mari et vice-versa, et qui sont sur le point du divorce et disent « je ne peux plus supporter ». Nous allons prier. Aujourd'hui, il y a des églises qui se divisent parce que on ne peut pas supporter les autres. On ne peut pas se supporter. Nous oublions que nous-mêmes, nous avions aussi des failles. Nous allons prier pour des parents qui ne peuvent plus supporter leurs enfants et qui veulent les chasser même de la maison. Prions le Seigneur au nom de Jésus. La force pour la prière. Opération sur la brèche. La force pour la prière. Oh, Esprit. Opération sur la brèche. La force pour la prière. La force pour la prière. Opération sur la brèche. La force pour la prière. Oh, Esprit. Sur la brèche, la force pour la prière. La force pour la prière. Opération sur la brèche, la force pour la prière. La force pour la prière. Très excellent Père, je te bénirai en tout temps. Ta louange sera toujours dans ma bouche et que mon âme se glorifie en toi et que les malheureux écoutent et se réjouissent. Nous te célébrerons en tout temps. Ce matin, ô Père éternel, nous prions pour ceux qui sont faibles. Tu as dit dans ta parole que ceux qui sont forts doivent soutenir ceux qui sont faibles. Si nous sommes forts, si nous nous considérons comme forts, c'est parce que notre force vient de toi, parce que notre force est en toi. Nous puisons dans nos ressources, ô Père éternel, pour soutenir ceux qui sont faibles, pour soutenir ceux qui ne peuvent pas tenir le coup. Père, nous demandons que tu nous accordes la patience, que tu nous accordes la tempérance, que tu nous accordes la tolérance, ô Père éternel, pour pouvoir soutenir ceux qui sont faibles, ceux qui ne suivent pas le rythme. Donne-nous la force, donne-nous le zèle, afin que nous puissions soutenir nos enfants, afin que nous puissions soutenir nos conjoints qui ne sont pas convertis, qui ne sont pas dans le Seigneur, afin que nous puissions nous soutenir mutuellement dans nos différentes communautés, dans le nom de Jésus-Christ. Père éternel, si nous disons que nous sommes forts, ce n'est pas un privilège, c'est une grâce que tu nous as accordée. Et nous demandons au Père éternel que tu étendes cette grâce dans la vie des frères et des sœurs qui ne sont pas encore forts. Donne également à ceux qui sont forts la patience. Merci Père pour toutes choses. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Nous devons suivre l'exemple de Jésus. Jésus, il a supporté les autres. Il a supporté les apôtres qui étaient autour de lui, qui avaient des faiblesses. Jésus nous a supporté même nous-mêmes. Nous étions des païens, nous étions des mauvais. Il nous a acceptés, il nous a accueillis, il nous a pardonnés. Prions pour que nous aussi, nous puissions suivre son exemple et que nous puissions manifester cet amour vis-à-vis des autres. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Sois béni ce matin, notre Dieu, notre Père, notre Seigneur, notre berger, notre libérateur, celui-là qui nous a rachetés à un grand prix. Sois béni parce que tu nous dis dans Romains, chapitre 12, à partir du verset 9, « Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » Ne vous vengez point vous-même, bien-aimé, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, s'il a soif, donne-lui à boire, quand en agissant ici, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sûrement le mal par le bien. Merci Seigneur, parce que tu nous as supportés. Tu as pleuré pour nous, tu as fermé ta bouche comme une brebis qu'on envoyait à la boucherie, à la croix, à cause de nous. Tu as simplement dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Notre vœu, notre souhait, c'est de t'imiter et de supporter tous ceux qui nous créent des difficultés, qui nous créent des problèmes dans nos foyers, dans nos lieux de travail, partout où nous sommes, même dans le ministère, à chercher ta force pour supporter les faibles. Au nom de Jésus, amen. Amen. Nous venons de voir que nous avons besoin que Dieu nous remplisse des vertus spirituelles, telles que la joie, telles que la paix, telles que la foi, telles que l'espérance. Oui, l'apôtre Paul dit que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Que chacun puisse formuler cette prière, afin que ceux qui vivent dans des moments difficiles puissent retrouver l'espérance. Prions le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Nous élevons ton nom et nous proclamons que tu es le roi des rois, le seigneur des seigneurs, l'alpha et l'oméga. Tu es le premier et le dernier, tu es celui qui était, qui est et qui vient. La Bible dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Merci Seigneur, parce que tu nous as affranchis de toutes sortes de maladies, de tout défi. Tu es capable de nous affranchir. Tu es capable de nous faire sortir de toute souffrance, de tout poids, de tout joug, de tout fardeau. Ce matin, Seigneur, je voudrais m'associer à mon frère, à ma sœur qui s'interroge. Où est le Dieu que j'invoque? Longtemps je l'invoque, je ne reçois point. Je suis dans cette situation, la situation perdue, la situation demeure. Ce matin, Seigneur, je te prie d'intervenir et de donner de l'espérance à ce frère, à cette sœur. Merci parce que si tu dis un mot, comme tu l'as dit, Seigneur notre Dieu, oui, devant le centenier, dis un mot et que la délivrance soit le partage de mon frère. Dis un mot et que la délivrance et la guérison, l'affranchissement, oui, la liberté soit le partage de ma sœur. Dis un mot pour que cet enfant soit guéri. Dis un mot pour qu'une porte s'ouvre et que, Seigneur, témoignage te soit rendu parce que tu auras fait des grandes choses dans notre vie. Exalté, louange à toi au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous voulons rappeler notre rencontre bonheur conjugal pour les célibataires. C'est pour ce dimanche 13 mars. Nous allons poursuivre le même thème. Une main puissante le forcera de te laisser aller. Tiré de Exode 6, verset 1. Nous allons passer du temps dans la prière pour ceux-là qui sont retenus spirituellement par un pharaon. Le pharaon qui incarne ici une puissance satanique et démoniaque. Peut-être qu'il y a un pharaon au niveau de ta famille qui a juré que toi tu ne peux pas te marier. Une main puissante, c'est la main de Dieu, va forcer ton pharaon à te laisser partir, à te laisser entrer dans ton mariage. L'entrée est libre. Nous aurons deux services. Le premier commence à 16h et le deuxième à 18h. C'est au lieu habituel, ce peu, Cité des Arts, de la même cour que la radio Fréquente Vie. C'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter.